Quinzième chapitre. Deux frères. L'abbé Pomerol passait un soir, à une heure assez avancée, devant un poste de fédérés, quand l'un d'eux, ivre d'eau-de-vie, lui barra subitement le passage. « Citoyen, dit-il, ton passeport. »« J'habite Paris, répondit doucement Sulpice. « Ça ne fait rien. Ton passeport, des papiers ?»« Si vous voulez me suivre, rue de la chaussée d'Antin, « je vous remettrai tous les papiers que vous voudrez. »« Ah ! » fit l'homme. « Tu ne les portes pas sur toi ? Eh bien, je vais te signer ton passeport. » Et le misérable, tirant un revolver de sa poche, les leva à deux doigts du visage de Sulpice. En ce moment, un officier intervint. « Ne craignez rien, dit-il, monsieur l'abbé. Mieux vaut encore me suivre au poste que de rester à la merci de cet ivrogne. » L'abbé Pomerol suivit l'officier, le remercia et entra, après une demi-heure de marche, à travers des rues hérissées de barricades, dans une salle dont un factionnaire gardait la porte extérieure. 8 ou 10 personnes, au nombre desquelles se trouvaient 3 membres de la Société internationale de secours aux blessés, le rejoignirent peu après. 2 heures s'écoulèrent pour Sulpice dans la chambre enfumée désignée par le titre de poste. Les soldats, ivres, y répétaient de honteux refrains. On fumait, on buvait. Quelques fédérés roulaient ivres-morts sous la table, tandis qu'un autre prenait le nom de Sulpice et décidait qu'il allait en référer au chef de bataillon. Ce dernier donna ordre de conduire le jeune ecclésiastique à la préfecture. Il était environ 6 heures du soir quand il y arriva. Immédiatement, Sulpice fut conduit devant le commandant. « Où est le procès-verbal ? » demanda celui-ci à l'un des soldats de l'escorte. « Le procès-verbal ? J'en ai pas. Les calotins, c'est tout gibier de potence, quoi. Un patriote a le devoir d'empoigner les abuseurs du peuple. D'abord, le capitaine va venir. » Le capitaine parla bas au commandant. Celui-ci fit signe à un groupe de fédérés et l'abbé Sulpice, entouré, pressé, fut écroué dans une cellule de la préfecture de police dont le matin même on avait fait évader un malfaiteur. Il y passa 3 jours avant d'être interrogé. Au bout de ce temps, l'abbé Pomerol, poussé, harcelé, insulté par une horde de gens portant une ceinture rouge, des galons, des plumets, traversa des antichambres et des couloirs avant de parvenir au cabinet du chef de la justice expéditive. Rigaud leva la tête en entendant frapper à la porte de son bureau et fit signe d'entrer à ceux qui amenaient Sulpice. Il faut avoir vu le misérable qui tint dans sa main la vie des otages pour bien se représenter cette figure aiguë à profil d'oiseau de proie, ses lèvres minces. Ses dents blanches, aiguisées comme celles d'un tigre, cet être plein de fiel, de haine et d'orgueil qui assassinait les justes en haine de la vertu. Quand Sulpice eut été rudement poussé en face de Raoul Rigaud, celui-ci demanda « Ton nom, ton âge ?» Sulpice Pomerol, 28 ans. « Ta profession, ministre de l'Évangile. » « C'est-à-dire ?» répliqua Rigaud en ricanant, marchand d'indulgence, de messe et d'absolution, chargé d'abuser le peuple et de le conduire dans une voie dangereuse, chargé de lui apprendre à respecter la loi divine d'abord, la loi humaine ensuite. « Bah ! » fit le préfet de police, « tu lui enseignes à nous exécrer. » « Non, pas vous, » répondit Sulpice avec calme, « car vous ne représentez ni la loi, puisque vous manquez de force, ni la justice, puisque vous ne vous appuyez pas sur le droit. De sorte que tu prêches le mépris de la République. Vous ne représentez ni un gouvernement, ni une autorité, ni même le vœu populaire, répliqua Sulpice. Vous êtes les hommes de la spoliation, du désordre et de l'assassinat. Sais-tu jusqu'où peuvent te mener de semblables paroles ? Demanda Raoul Rigaud. « Jusqu'à la Roquette, où vous venez d'enfermer notre archevêque. »« Et de la Roquette ?»« Au lieu du supplice, » répondit tranquillement l'abbé Pomerol. « Veux-tu sauver ta vie ? » Je n'ai pas le droit d'aller au-devant de la mort. Jette ta soutane aux orties, prends un fusil et combat avec le peuple pour la sainte cause de la liberté. Ma liberté n'est pas de ce monde, dit Sulpice. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Rigaud regarda l'abbé Pomerol avec une joie farouche, puis il dit d'une voix brève « À la roquette avec les autres !» Sulpice ne changea pas de visage, ne prononça pas un mot. Un serrement de cœur douloureux le faisait cependant souffrir une horrible torture. Il songeait à Sabine qui restait seule, toute seule au monde. Il était environ 7 heures du soir. À travers les rues encombrées de gardes nationaux, de soldats, d'éclaireurs, de voltigeurs de la commune, de vengeurs de Flourens, la bande de fédérés conduisant Sulpice se fit un jeu cruel de l'exposer aux insultes de la populace. Les mégères lui crachaient au visage. On meurtrissait ses épaules de coups de plat de sabre. Un rude soufflet s'abattit même sur sa joue. Mais il ne répondait rien aux injures, s'efforçait de marcher la tête haute en dépit des difficultés du chemin et priait à voix basse pour ses insulteurs. On l'obligea à suivre toutes les stations de son calvaire. La troupe de bandits s'arrêtait au carrefour, proche des barricades, fraternisait avec les frères, buvait à la République et s'éloignait de plus en plus ivre, traînant après elle Sulpice défaillant. Il n'avait pris aucune nourriture depuis le matin. Son cerveau était vide, ses jambes tremblantes. Et cependant, il continuait à faire d'énergiques efforts pour cacher à tous cette involontaire faiblesse que ses ennemis n'eussent pas manqué de mettre sur le compte de la peur. Enfin, la sinistre place de la roquette, marquée de ses dalles sanglantes, apparut aux fédérés. Sulpice en regarda les hautes murailles et fit d'avance le sacrifice de sa vie. Il dut rester plus d'une heure dans une salle d'attente située au côté gauche de la porte. Enfin, on fit l'appel pour s'assurer de l'identité des prisonniers. « Où faut-il les conduire ?» demanda le gardien-chef. Le directeur secoua la tête. « Nous n'avons plus de place, » fit-il. Cependant, après avoir dit quelques mots à l'oreille du gardien-chef, il donna ordre de conduire les prisonniers dans la 4e division. « Et, » ajouta-t-il, « pour fournir à ce corbeau de malheur l'occasion d'exercer son ministère, menez-le dans la cellule du numéro 8. Il aime tant le prêtre qu'il en mangerait. Toujours farceur !» répliqua le gardien-chef avec un sourire aimable à l'adresse du directeur. Le sous-gardien fit résonner ses clés et, se tournant vers Sulpice, il lui intima l'ordre de le suivre. La nuit était venue, les couloirs étaient sombres. Le gardien alluma une petite lampe et guida Sulpice à travers les couloirs régulièrement coupés de cellules. Arrivé devant le numéro 8, le sous-gardien choisit une clé dans son trousseau, ouvrit la porte et cria d'une voix gouailleuse « Camarades, voilà de la compagnie. Pour peu que vous ayez un petit remords de conscience, vous pouvez vous soulager le cœur. » Puis il ferma la porte en ricanant. Sulpice s'arrêta sur le seuil de la cellule, plongé dans une obscurité presque complète. Il entrevoyait dans l'ombre un grabat, et sur ce grabat, une forme immobile. L'habitant de la cellule numéro 8 se souleva dès que le gardien eut refermé la porte, et s'asseyant sur son lit, il essaya de distinguer le visage de celui qu'on lui donnait pour compagnon de captivité. « D'après ce que je viens d'entendre, dit-il enfin, vous êtes un otage, monsieur. Permettez-moi de vous croire d'assez bon goût pour me laisser en repos pendant le temps que nous partagerons cette chambre. Vous avez droit à la moitié de cette couchette. Je suis prêt à vous la céder tout entière. Je n'exige que la liberté de songer à mon aise sans qu'il soit permis à personne de troubler mes dernières pensées. » Au premier mot prononcé par le prisonnier, Sulpice avait tressailli. Il s'avança rapidement vers la couchette, saisit les deux poignets du captif et s'écria d'une voix dans laquelle la joie s'unissait à l'attendrissement « Xavier, mon frère !»« Sulpice ?» répondit le prisonnier stupéfait. Puis il ajouta amèrement « Je comprends, Tu n'aurais pas cru remplir dignement ton devoir d'apôtre si tu ne m'avais répété jusqu'à la fin les exhortations que tu sais par cœur à force de les dire. Il te faut l'âme de ce frère dont tu as sacrifié la vie. Tu veux l'offrir à ton Dieu comme un nouveau trophée. Tu oublies que ton maître a horreur des sacrifices humains et que tu m'immoles à l'ombre d'un devoir. Tu te trompes, répondit Sulpice avec une angélique douceur. Je n'ai point forcé les portes de ce cachot pour venir pacifier ton âme. Je suis prisonnier comme toi. Prisonnier, toi? Quelle faute as-tu pu commettre? Celle qu'ont faite notre archevêque, le curé de la Madeleine, tous ceux qui représentent la religion et la probité, le courage et la justice. Et tu sortiras d'ici? Pour mourir, répondit Sulpice. Ah, cela est affreux, s'écria Xavier. Non, dit le prêtre. Et je te le jure, mon ami, mon frère, je bénirais le ciel de me garder une telle mort si elle devait t'aider à réconcilier ton âme. Me résigner quand je suis innocent? De quoi suis-je coupable? Xavier resta silencieux. Un horrible combat se livrait dans son cœur. Tant que son frère avait été libre, il accumulait en lui une sourde haine. Maintenant qu'il le voyait voué à une mort prochaine, il sentait se fondre le ressentiment qui, une heure auparavant, lui brûlait le cœur. « Écoute, frère, lui dit Sulpice, ce que fait le Seigneur est bien, et j'adore sa main dans le châtiment comme dans la récompense. Tu considères seulement à cette heure l'horreur de ton sort, le trépas t'effraie, ta chair se révolte, tu maudis les hommes et tu blasphèmes Dieu. Et cependant, si une minute seulement il t'était donné de comprendre les voies de la miséricorde, tu te résignerais comme je me résigne moi-même. Xavier, nous n'avons plus le temps de regarder en arrière, de regretter les joies perdues. Il faut que notre regard s'accoutume à la nuit de la tombe. Il faut que notre âme s'habitue à sonder le mystère de l'éternité. Si jamais tu as pu croire que j'exagérais mes devoirs envers Dieu, envers tous, envers toi-même, si tu m'as accusé de dureté à ton égard, de cruauté, de barbarie, je t'en conjure, à l'heure où nous allons mourir, songe que je ne puis mentir à personne, ni à Dieu, ni à toi, ni à moi-même. J'offre ma vie pour la tienne. Je bénirai le ciel si la tempête qui m'entraîne te rendait la liberté. La liberté, répéta Xavier. Oui, et plus prochaine que tu ne l'attends peut-être. Les misérables que gêne le prêtre dans l'accomplissement de leurs desseins auront besoin bientôt du secours de ceux que la société a bannis de son sein. D'ici à quelques jours, quelques heures peut-être, on ouvrira toutes grandes les portes des prisons. Dans quel but? Dans le but de faire de vous tous des instruments dociles pour l'accomplissement de crimes nouveaux. En ce moment, un grand bruit de bottes, de sabres traînant sur les dalles et de jurements retentit dans le couloir, puis on fit l'appel d'un certain nombre de condamnés. Les portes s'ouvrirent, se refermèrent. Pour la seconde fois, les sabres résonnèrent sur les marches de pierre des escaliers et le bruit s'éteignit progressivement. Xavier frissonna. Sulpice tomba à genoux. 2 minutes après, une fusillade crépitante, irrégulière, retentissait dans le chemin de ronde, puis 2 ou 3 coups de pistolet et le cri de « Vive la République !»« Xavier, dit Sulpice en saisissant les mains de son frère, des martyrs viennent de tomber et notre tour viendra bientôt. Je te le jure par notre Sainte Mère, par mes vœux, par mon âme, il faut songer à mourir et à mourir en chrétien. Xavier, je comprendrais presque que tu repoussasses un prêtre étranger venant sonder ta conscience pour en arracher les secrets. Mais moi, pauvre enfant, qu'as-tu à me dire que je ne sache, que je n'excuse? Ce n'est plus le ministre de Dieu seulement qui t'interroge, c'est ton ami, ton frère, qui, sur le bord de notre fosse commune, te demande si jusqu'à cette heure tu fus réellement heureux. Non, répondit Xavier en secouant la tête. N'est-ce pas que pour une joie incomplète tu trouvais 1000 déboires, la coupe du festin a du fiel au fond. Les plaisirs coupables laissent une satiété écœurante. On cherche encore, on voudrait inventer des plaisirs pour ranimer son esprit, son cœur et ses sens. Et l'on trouve le vide dans son cœur, la lassitude dans son esprit et dans ses sens le dégoût. C'est vrai, murmura Xavier. Chacune des idoles que le monde adore a reçu ton encens. Tu voulais l'amour dont parle saint Augustin, mais faute de le demander à la beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, tu ne trouverais pas même l'ombre de cet amour. Tu me plaignais de vivre pauvrement, de jeûner, de macérer mon corps, et cependant, au milieu de toutes ces privations, mon cœur exultait souvent de joie, et je louais Dieu avec des chants de triomphe. Hélas, fit Xavier en laissant tomber ses mains jointes sur ses genoux. Ne regrettes-tu pas, reprit Sulpice, d'avoir prostitué ta pensée et ton âme au lieu de les garder pures? Oui, dit Xavier, car il me semble que cette âme est morte et que la pureté dont tu parles n'y saurait refleurir. Les hommes tirant parti de tes fautes t'ont jeté la honte, l'anathème, et le Seigneur l'a permis parce que la richesse et le bonheur t'éloignaient de lui. Maintenant, il t'appelle, il connaît le poids de ton épreuve. Innocent, il subit un jour l'inique jugement des hommes. Et, si tu veux tendre vers lui des bras suppliants, il te sauvera, il t'attirera, il te donnera pour l'infini des années dont nul ne peut calculer le nombre, le bonheur que le monde te promit sans avoir la puissance de le réaliser. Pour la seconde fois, une grande clameur interrompit les deux frères, et Xavier distingua une voix répétant « Paris flambe déjà! Le feu est au ministère des Finances, à la Légion d'honneur, dans la rue de Lille, aux Tuileries !»« mon Dieu !» fit Sulpice. « Nous avez-vous abandonnés ?» Puis des voix tumultueuses répétèrent « Les Versaillais ne trouveront à la place de Paris qu'un monceau de cendres. À l'œuvre, tous les bons patriotes ! Des fusils aux otages, et qu'on mette en liberté tous ceux qui voudront prendre les armes pour la cause du peuple !» Un grand bruit de clés résonna dans les serrures. Les hurlements de joie des prisonniers répondirent aux paroles qui venaient d'être dites, et une bande d'assassins et de voleurs s'élança en tumulte dans les corridors. Ils venaient prendre leur part de la curée humaine et tirer une revanche de la loi qui les avait frappés. À son tour, la porte de Xavier fut ouverte, et l'un des gardiens placés à la roquette par les chefs de la commune tendit un fusil à Xavier. « Allons, dit-il, vous avez de la chance. Mieux vaut une balle que le couteau de Charlot. Les Versaillais ont pris la moitié de Paris. Nous sommes traqués, mais pas vaincus encore. Il s'agit de défendre la République jusqu'à la mort. Et puis, on vous laisse la chance de vous évader. » Le jeune homme se leva et fit deux pas en avant du gardien. « Acceptez-vous ? » demanda-t-il. Mais Sulpice se précipita sur l'arme présentée à son frère et l'appuyant sur son genou avec une force dont on ne l'eût pas cru capable, il la brisa et en jeta au loin les morceaux. « Que fais-tu ? » demanda Xavier. « Je te sauve, » répondit le prêtre. « Ah, misérable calotin ! » fit le guichetier. « Non content d'avoir enseigné le mensonge, tu interdis de défendre la commune à ceux qui allaient prendre les armes pour elle ?»« J'empêche, » répondit Sulpice, « que des Français tirent sur des Français. »« Avec ça, » fit le gardien, « que ton compagnon de chambrée regarde à donner un joli coup de couteau. Le prends-tu pour un agneau pascal, ce joli mignon ? Il a tué son père et tu l'empêcherais d'abattre sa part de Versaillais ? C'est pas juste !» Mais loin de rendre plus vive chez Xavier la pensée de la liberté qu'il songeait une minute auparavant conquérir, ces mots lui arrachèrent un cri d'horreur. « Ami, lui dit Sulpice, si tu quittes cette chambre, si tu descends dans la rue, si tu te bats derrière une barricade, on ne croira plus à ton innocence. Il te reste un moyen de la prouver à tous. Préfère la mort au déshonneur, à l'assassinat. Nul même parmi ceux qui t'accusèrent n'aura plus le courage de te croire capable d'un crime. Ta réhabilitation est dans tes mains. Reste avec moi. Mourons ensemble. Mieux vaut ce trépas qu'une existence flétrie. Et crois-le d'ailleurs, Xavier, Dieu qui ne laisse aucune bonne action sans récompense, permettra que, sinon ta vie, du moins ta mémoire soit lavée de l'horrible accusation qui pèse sur toi. « Rapproche-toi à cette heure suprême du prêtre et du frère. Je ne faiblirai point. J'ai mon Dieu dans mon cœur, et si tu trembles, je serai là pour te soutenir. Reste, Cette mort est un martyr. Reste, cette mort lave toutes tes fautes, et tu trouveras dans un baptême de sang l'innocence de ton cœur. Reste, Xavier, pour l'expiation du passé, pour le rachat du ciel. » Sulpice était aux genoux de son frère. Il le suppliait, les larmes aux yeux, des sanglots montant à ses lèvres. Il offrait à Dieu son futur supplice pour le prix de cette âme fraternelle, doublement chère, doublement sacrée, et si grande fut l'ardeur de sa prière, l'éloquence de ses pleurs, sa sublimité, que le cœur de bronze de Xavier se fendit et que, se prosternant, il porta à ses lèvres le crucifix placé sur la poitrine de son frère. Il n'entendit plus rien à partir de cette heure, ni les cris des condamnés, ni l'appel des soldats, ni la fusillade. Absorbé dans la douloureuse prière des pénitents, occupé seulement de la mort qui allait venir, il courba le front sous l'absolution du prêtre et se jeta ensuite en sanglotant dans les bras du frère qu'il avait méconnu. Toute la nuit se passa pour Xavier et Sulpice en entretien dont le martyr prochain était le sujet. De temps à autre, un garde, en passant, un chef, en parcourant les couloirs, leur apprenait que la rue royale était complètement détruite, que le grenier d'abondance et le théâtre de la porte Saint-Martin flambaient. Hélas, pensaient les deux frères, nos libérateurs, les soldats de notre armée, arriveront trop tard. Cette nuit se passa pour Sulpice et pour Xavier dans une double émotion de prière, d'affection, de repentir. Xavier venait d'accomplir son sacrifice. En se retrouvant soudainement chrétien, il devint résigné. Le sublime courage de Sulpice descendit dans son âme. À partir de cette heure suprême, comme il jugea de haut et sévèrement la vie qu'il avait menée, comme sa conscience éveillée lui reprocha les erreurs dont il avait souri. Dans l'amertume de ses remords, il eût désespéré peut-être si la main de Sulpice, qui lui tendait le crucifix, ne lui eût en même temps montré le ciel. Sainte veillée mêlée d'invocations et de pleurs, et pendant laquelle chacun de ceux qui devaient mourir s'oublia afin de prier pour la patrie sanglante, se tordant, agonisante, sous les coups de ses propres enfants. Au matin, Sulpice obtint du papier et de l'encre. Il écrivit à Sabine une longue lettre, tendre et grave à Dieu du martyr à la Vierge chrétienne. Ses dernières pensées données à la terre, le jeune prêtre ne songea plus qu'à Dieu. Dans les cours, les chemins de ronde, le bruit grandissait, une foule houleuse couvrait la place de la Roquette. Chacun racontait, commentait en les maudissant, les progrès de l'armée de Versailles. L'émeute était refoulée dans les quartiers de la Guillotine et des cimetières et râlait sur ses dernières barricades, ne voyait bientôt plus d'asile pour elle que derrière les tombes du Père Lachaise. La populace qui avait applaudi à l'assassinat de l'archevêque redemandait du sang, comme les bêtes fauves d'une ménagerie réclament leur proie. Dans l'humiliation, la honte de leur défaite, les chefs de la commune voulaient que le sang coulât tant qu'il leur resterait une heure de puissance. Les uns se faisaient tuer au milieu de l'émeute, s'ensevelissant dans leur chute et roulant au milieu des cadavres qu'ils avaient faits. Les autres, moins courageux, cherchaient au hasard des vêtements de femmes pour se travestir et tâcher de disparaître au milieu du tumulte qui ne manquerait pas de suivre la prise complète de la capitale par les soldats de l'ordre. Tandis qu'une partie de Paris saluait le drapeau tricolore, emblème d'ordre et de sécurité, le haillon de foie rouge de la commune flottait encore dans quelques hauts quartiers. L'oppression qui s'allégeait pour les uns redoublait pour les autres, au fur et à mesure que se rétrécissait le champ d'action des communards. Les bâtiments incendiés brûlaient encore, et les derniers forfaits allaient marquer l'agonie de ce pouvoir qui ne savait s'élever que par l'assassinat. Pour la seconde fois de la journée, des soldats, des gardiens gravirent le large escalier. Un délégué de la commune déploya une liste et lut les noms d'un certain nombre de prisonniers. À mesure qu'on le prononçait, chacun des captifs répondait présent et s'avançait. C'étaient des prêtres et des soldats. Les uns laissaient voir un saint enthousiasme, les autres une mâle résignation. Les gendarmes s'approchaient des prêtres et dans quelques phrases rapides rappelaient les fautes de leur vie. Le prêtre les absolvait, les embrassait et pleurait sur eux. Quand Sulpice et Xavier parurent ensemble, enlacés fraternellement, il y eut dans le groupe des condamnés un murmure d'étonnement et de douleur. L'abbé Sulpice, pâle comme l'ivoire, le front traversé par une cicatrice rouge, semblait déjà revenir du martyre. Beaucoup de ceux qui passaient dans les couloirs, dans les cours de la Roquette, connaissaient sa générosité, sa bonté. Sa condamnation excita chez quelques fédérés un étonnement presque douloureux. Mais le plus grand nombre ressentit une joie féroce et battit des mains. On leur livrait une robe noire, c'était tout ce qu'il leur fallait. Ce fut un signal. La porte de la Roquette roula sur ses gonds et la foule hurlante, avide de voir mourir ceux qu'elle venait de condamner, salua d'un cri de joie féroce le groupe des martyrs. En ce moment, une femme perça la foule, haletante, brisée, les cheveux épars, mourante d'effroi et d'angoisse, se jeta au milieu des victimes, puis enlaça de ses bras Sulpice et Xavier. C'était Sabine qui, ne voyant plus reparaître son frère et sachant que les arrestations continuaient, s'était informée et de prison en prison était arrivée jusqu'à la Roquette. Elle demanda vainement la faveur de voir ses frères. On la repoussa brutalement et la malheureuse fille, malgré son effroi, sa lassitude, passa la nuit assise à côté de la boutique d'un marbrier, attendant que la porte de la sinistre prison s'ouvrit. De la sorte, elle ne perdait pas la Roquette de vue, et si son frère sortait, elle restait sûre de le voir une fois encore. Au matin, elle interrogea les passants. Chacun attendait une exécution nouvelle, et Sabine ne conserva plus bientôt aucune espérance dans son cœur. Il ne lui devait rester que la consolation de recevoir la bénédiction de Sulpice avant qu'il partît pour le lieu où son supplice serait consommé. Pressée par la foule grossissante, elle restait collée contre la muraille attendant l'apparition des condamnés. Lorsque la porte roula sur ses gonds, il lui sembla qu'elle allait mourir. Elle se roidit cependant, se dressa sur la pointe des pieds et regarda. Puis, poussant un grand cri, elle s'élança, affolée, et se jeta dans les bras de Sulpice. Les fédérés voulaient la repousser brutalement, mais une femme prit sa défense, obtint qu'on la laissât près de son frère, et la malheureuse fille resta un moment rapprochée de ce grand et loyal cœur qui devait bientôt cesser de battre. « Je te suis, » dit-elle, « je te suis, Sulpice. Si l'on massacre les prêtres, on peut verser le sang des femmes chrétiennes. Toi mort, je n'ai plus qu'à mourir. » L'abbé Sulpice serra les mains de Xavier. « Hier, lui dit-il, je te disais, meurs. Maintenant, je te crie, il faut vivre. Tu ne me sauverais pas en restant près de moi. Profite du tumulte pour échapper à ceux qui nous gardent. Enlève Sabine à ce spectacle d'horreur. » Les soldats et la foule, un moment émus et surpris par le mouvement de Sabine, commençaient à trouver que cette scène de famille entravait la marche expéditive de la justice du peuple et qu'il était grandement temps d'en finir. Un cri de commandement fut jeté par un chef. La bande des fédérés s'ébranla. Un misérable arracha Sabine des bras du jeune prêtre et la jeune fille roula sur le pavé. Alors Sulpice se pencha vers Xavier Pomereul. « Sauve-la ! dit-il, je te l'ordonne. » Xavier enleva Sabine dans ses bras et s'enfuit en courant, tandis que le cortège des gendarmes, des prêtres, des égorgeurs prenait le chemin du boulevard des Amandiers.